J'approche d'un passage à niveau avec barrière. C'est ce qu'annonce ce panneau lumineux. D'ores et déjà, je sais que la barrière est abaissée et qu'un train va passer. Je vais devoir m'arrêter et attendre, après le passage du train, l'ouverture complète des barrières pour redémarrer. Inutile de s'impatienter, l'attente à un passage à niveau n'excède jamais quelques minutes. Réponse A.